الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى 29e assise sur le repentir. Louange à Allah qui a établi de chaque être une preuve de son unicité et qui dispose de sa création comme il le veut en toute puissance et autorité. Il a choisi les pieux et leur a fait don de sécurité et de foi. Il a couvert les pécheurs de sa clémence et de sa miséricorde par indulgence et pardon. Il n'a pas coupé les subsistances des gens qui lui désobéissent par pure générosité et bienfaisance. Il a apaisé les gens sincères par le souffle de sa proximité, a mis en garde contre le jour des comptes par l'ampleur de son affection, a protégé celui qui se dirige vers son agrément et a honoré le croyant en inscrivant la foi dans son cœur. Il a émis des jugements sur ses créatures en ordonnant et en interdisant. Il a redressé par son aide ce qui était faible et fragile, a éveillé par son exhortation celui qui était distrait et négligent, et a appelé le pécheur au repentir pour l'absolution de sa faute. Un Seigneur immense qui ne ressemble point aux créatures, un riche et généreux qui n'a besoin ni de boisson ni de nourriture. Les créatures sont dans un besoin perpétuel de lui et dépendent de sa miséricorde jour et nuit. Je le loue de la louange d'un adorateur envers son Seigneur, lui présentant ses excuses pour son manquement et son péché. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, du témoignage d'un être sincère du fond du cœur, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, l'élu de son parti. Qu'Allah le préserve et le vante, ainsi qu'Abu Bakr, le meilleur de ses compagnons, Omar, celui dont le chemin n'est jamais emprunté par le diable, Othman, le martyr qui ne tomba point sur le champ de bataille, Ali, son soutien dans la guerre, ainsi que sa famille, ses compagnons, et quiconque suisse à guider. Mes frères, clôturez le mois de Ramadan par le repentir à Allah pour vos désobéissances et par le retour vers lui en accomplissant ce qui le satisfait. Certes, l'être humain n'est pas exempt d'erreurs et de manquements. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Allah a incité dans son livre, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité dans ses paroles, à demander pardon à Allah et à se repentir à lui. وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. Demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé et donnera sa grâce à tout détenteur de mérite. Mais si vous vous détournez, je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ. Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Suivez donc le droit chemin vers lui et demandez-lui pardon. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous à Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Et Allah Azzawajal dit aussi, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et il dit à Allah, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Les versets mentionnant le repentir sont nombreux. Quant aux hadiths, on compte parmi eux, d'après Al-Gharr ibn Yasar, Al-Muzani, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. Ô gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon, car je me repens 100 fois par jour, rapporté par Muslim. Et d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dire, إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. Rapporté par Al-Bukhari. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Allahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin fala fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa ayisa minha fa ata shajaratan fattaja'a fi dhillaha wa qad ayisa min rahilatihi فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent à lui que l'un d'entre vous qui se trouvait sur sa monture sur une terre désertique. Celle-ci s'échappe en emportant sa nourriture et sa boisson. Désespérant de la retrouver, il se rend auprès d'un arbre et s'allonge à son ombre. Alors qu'il est ainsi, voilà que sa monture apparaît debout devant lui. Il la saisit par ses rênes, puis s'écrie sous l'effet d'une joie immense. « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton seigneur. » Il se trompe par l'intensité de sa joie. Rapporté par Muslim. Et ce hadith est une preuve que l'erreur est une cause empêchant le takfir, d'être mécréant. Car il a prononcé une parole de mécréance, mais par erreur. Le cheikh dit, certes, s'il se réjouit, subhanah, du repentir de son serviteur, c'est parce qu'il aime le repentir, le pardon et le retour de son serviteur vers lui, après que celui-ci s'est enfui de son obéissance. D'après Anas et Ibn Abbas, radiyallahu anhum, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Law anna l'ibni Adam wadiyan min dahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan, walan yamla afahu illa turab, wa yatubu Allahu ala man tab. » Si le fils d'Adam possédait un wadi d'or, un oued, il aimerait en avoir deux, et rien ne remplira sa bouche, si ce n'est la terre, par la mort, et Allah accepte le repentir de celui qui se repent. Muttafaqun alayh. Le verbe taba yatoub en arabe, on l'utilise avec ala, lorsque Allah azawajal est le sujet. Yatoubullahu ala al-abd. Quant au serviteur, on dit yatoub al-abd ilallah. Donc en français, on dit que le serviteur se repent à Allah, et que Allah accepte son repentir. Et parmi les doigts qu'on fait, Allahumma tub alayna. Oh Allah, accepte notre repentir. Le cheikh dit, ainsi le repentir consiste à revenir de la désobéissance à Allah vers son obéissance, car il est, subhanah, l'adorer en toute vérité. Et parmi les noms d'Allah, Zawajal également, At-Tawwab, le grand accueillant au repentir. L'essence même de l'adoration est l'humilité et la soumission envers l'adoré par amour et par vénération. Dès lors que le serviteur s'égare de l'obéissance à son Seigneur, son repentir réside dans le fait de revenir vers lui et de se tenir à sa porte, dans la posture du pauvre, de l'humilié, du craintif et de l'homme brisé devant lui. Le repentir est une obligation immédiate. Il n'est permis ni de le retarder ni de le remettre à plus tard, car Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'ont ordonné et tout ordre divin ou prophétique implique une exécution instantanée. C'est la base. En effet, le serviteur ignore ce qui peut advenir s'il temporise. La mort pourrait le surprendre, le privant ainsi de toute possibilité de se repentir. De la même façon, le kafir, qui veut se convertir à l'islam, il n'est pas permis de retarder cela. En disant par exemple, il faut que tu prononces la shahada ou mazid ou des choses comme ça qui n'ont pas de base en islam. Mais il incombe de lui faire prononcer la shahada, même dans sa langue. Ce n'est pas une condition qu'il la dise en arabe, car la condition est qu'il comprenne ce qu'il prononce. Et donc il faut lui faire prononcer les deux attestations de foi le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'il fait entrer en islam. Le cheikh dit, de plus l'obstination dans le péché provoque l'endurcissement du cœur, l'éloigne d'Allah azzawajal et affaiblit la foi, car celle-ci augmente par les actes d'obéissance et diminue par la désobéissance. L'insistance sur le péché finit par créer une accoutumance et un attachement à celui-ci. Or, quand l'âme s'habitue à une chose, il lui est difficile de s'en séparer. L'âme est très incitatrice au mal. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, sauf celui à qui mon Seigneur fait miséricorde. Dès lors, il devient ardu pour l'individu de s'en défaire, et le diable lui ouvre alors les portes d'autres péchés, plus graves et plus immenses que les précédents. C'est pourquoi les gens de science et les maîtres du cheminement spirituel ont dit « Les péchés sont le courrier de la mécréance. L'homme y progresse étape par étape jusqu'à dévier totalement de sa religion. » Nous demandons à Allah de nous préserver. Le courrier, c'était celui qui transmettait des informations entre les villes. Donc il avait des étapes pour atteindre son but. Donc les péchés sont à l'image de celui-ci. Et l'objectif est la mécréance. Les péchés amènent à l'objectif de la mécréance, la grande mécréance. L'homme, il progresse étape par étape jusqu'à dévier totalement de sa religion. Donc il ne faut pas mépriser les péchés en se disant que ce n'est rien. Comme ceux qui s'appuient sur la miséricorde d'Allah, Azzawajal, en oubliant le fait qu'il est dur en punition. Et qui ont beaucoup plus d'espoir du pardon d'Allah que de peur ou de crainte de sa punition. Il faut que ces deux choses-là soient au même niveau, l'espoir d'être pardonné et la crainte d'Allah de sa punition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « A'udhu bika mink » « Je cherche refuge auprès de toi, contre toi ». Et Allah azzawajal a cité ces deux choses-là dans plusieurs versets. Allah azzawajal dit « Inna rabbaka la sari'u l'iqab wa innahu la ghafurun rahim » Ton Seigneur est certes rapide en châtiment, et il est certes pardonneur et miséricordieux. Et Allah Azzawajal dit « وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » Et craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en châtiment. Allah Ta'ala dit « غَافِرِ الدَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ دِتَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَسِيرِ » celui qui pardonne les péchés et accepte le repentir, le redoutable en punition, le détenteur de l'abondance. Point de divinité et digne d'adoration à part lui, vers lui est la destination finale. Le repentir qu'Allah a ordonné est le repentir sincère, qui réunit cinq conditions. La première, qu'il soit voué exclusivement à Allah, Azzawajal, en ayant pour moteur l'amour d'Allah, sa glorification, l'espoir en sa récompense et la crainte de son châtiment. On ne doit rechercher par cela aucun intérêt mondain, ni aucune flatterie auprès des créatures. Si tel était le but, le repentir ne serait pas accepté, car l'individu ne se serait pas repenti vers Allah, mais vers l'objectif qu'il visait. La deuxième condition, qu'il éprouve du regret et de la tristesse pour son péché passé, souhaitant qu'il n'ait jamais eu lieu. Ce regret doit engendrer un retour vers Allah, une humilité devant lui et un mépris pour son ego qui l'a incité au mal, afin que son repentir repose sur une conviction profonde et une clairvoyance. Troisièmement, qu'il cesse le péché immédiatement. Si le péché consiste en un acte interdit, il doit l'abandonner sur le champ. S'il s'agit du délaissement d'une obligation, il doit l'accomplir immédiatement, si elle peut être rattrapée, comme la zakat ou le hajj. Le repentir n'est pas valide tant que l'on persiste dans le péché. Ainsi, celui qui prétend se repentir de l'usure, de la riba, tout en continuant à la pratiquer, ne voit pas son repentir accepté. Ce n'est là qu'une forme de moquerie envers Allah et ses signes qui ne fait que l'éloigner davantage de lui. De même, celui qui se repent de ne pas prier en groupe tout en persistant à s'en abstenir, son repentir n'est pas valide. Si l'acte de désobéissance concerne les droits des créatures, le repentir ne sera valide que si l'on se libère de ses obligations. Si le péché consiste à avoir pris le bien d'autrui ou à l'avoir nié, le repentir n'est accepté qu'une fois le bien restitué à son propriétaire, s'il est vivant, par exemple quelqu'un a volé, ou à ses héritiers s'il est mort. S'il n'a pas d'héritier, il doit être versé au trésor public. Ça, c'est dans les pays musulmans. Bayt al-Mal. Si l'on ignore l'identité du propriétaire, on en fait l'aumône en son nom. Et Allah subhanahu le sait. C'est-à-dire, s'il a volé 100 euros, mais il ne sait pas à qui, il ne peut pas lui rendre, il les donne en sadaqa au nom de celui à qui il a volé. Il dit, si le péché consiste en la médisance d'un musulman, il est obligatoire de lui demander pardon si celui-ci a eu connaissance de cette médisance ou si l'on craint qu'il ne la prenne. Sinon, s'il n'est pas au courant et qu'il ne risque pas de la prendre, il faut implorer le pardon d'Allah en sa faveur et faire son éloge par ses qualités louables dans l'assemblée même où l'on a médit de lui. Car certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Le repentir d'un péché particulier est valide même si l'on persiste dans un autre, car les œuvres sont divisibles et la foi comporte des degrés. Cependant, l'individu ne mérite pas l'appellation absolue de repentant, ni les éloges et les hauts degrés réservés au repenti de manière absolue, tant qu'il ne s'est pas repenti de l'ensemble de ses péchés devant Allah. Quatrième condition, avoir la ferme résolution de ne pas retourner à ce péché à l'avenir, car c'est là le fruit du repentir et la preuve de la sincérité de son auteur. Si l'on prétend se repentir tout en ayant l'intention ou l'hésitation de commettre à nouveau le péché un jour, le repentir n'est pas valide, car il s'agirait d'un repentir temporaire où l'individu guette les occasions favorables, ce qui ne prouve en rien son aversion pour le péché ni sa fuite vers l'obéissance à Allah. Et la cinquième condition, que le repentir n'ait pas lieu après l'expiration du délai d'acceptation. S'il intervient après ce délai, il ne sera pas accepté. L'expiration de ce délai est de deux types, un délai général pour tout le monde et un délai spécifique à chaque individu. Quant au délai général, il s'agit du lever du soleil de son couchant. Dès que le soleil se lèvera de l'occident, de l'ouest, le repentir ne sera plus utile. Allah Azza wa Jal dit « يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِمَانِهَا خَيْرًا » Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, les signes de l'heure, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun bien de sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que certains signes désignent ici le lever du soleil de son couchant. Le soleil se lèvera de l'autre côté de sa course. Également, une petite parenthèse pour dire qu'il est obligatoire de croire que le soleil a une course déterminée, un orbite déterminé, et que celui qui prétend qu'il est fixe, comme le disent les koufars, est mécréant. Il est kafir, il sort de l'islam par ça, car il est démenti la parole d'Allah azawajal. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا » Le soleil vogue jusqu'à un lieu de repos. Et c'est venu le tafsir de ce verset du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les deux sahih, d'après Abu Dhar, où il a dit فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَذَلِكَ قَوْلُ تَعَالَى وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Le soleil part jusqu'à se prosterner sous le trône d'Allah Azzawajal. Et c'est ceci, sa parole ta'ala, et il cita le verset qu'on a cité précédemment. Le soleil vogue vers un lieu de repos. Ceci est la détermination du puissant, du sage. Et Allah Azza wa Jal dit: La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-layl sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ni le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit ne peut devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Le soleil et la lune. Le cheikh dit ensuite, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tazalu at-tawbatu tuqbalu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. فَإِذَا طَلَعَتْ تُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلِ. Le repentir ne cessera d'être accepté jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Lorsqu'il se lèvera, chaque cœur sera scellé avec ce qu'il contient, et les œuvres ne seront plus comptabilisées. Ibn Kathir a précisé que la chaîne de transmission de ce hadith est bonne, et Cheikh Al-Albani a également jugé sa chaîne bonne. Et d'après Abu Huraira, radiyallahu an, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi. Quiconque se repent avant que le soleil ne se lève de son couchant, Allah accepte son repentir. Rapporté par Muslim. Quant au délai spécifique, il correspond à l'arrivée du terme de la vie. Dès que l'heure de l'homme arrive et qu'il voit la mort, son repentir ne lui profite plus et n'est plus accepté. Allah Ta'ala dit: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux qui s'écrie alors: maintenant je me repens. Et d'après Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. Certes, Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'atteint pas le râle de l'agonie, rapporté par Ahmed al-Tirmidhi, qui a dit « Hadith bon » et authentifié par Cheikh al-Albani. Dès lors que le repentir est valide par la réunion de ses conditions et qu'il est accepté, Allah efface par celui-ci le péché dont on s'est repenti, aussi grand soit-il. Allah accepte le repentir du kafir qui rentre dans l'islam, et c'est le plus grand des péchés. Allah Ta'ala dit: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset a été révélé car des hommes qui avaient commis de grands crimes dans la jahiliya, comme des meurtres ou autres, se sont dit: Allah Azzawajal ne va pas nous pardonner si on rentre dans l'islam. Allah pardonne toute chose à celui qui se repent, et au contraire, celui qui s'enorgueillit, qu'il sache qu'Allah est dur en punition. Donc chaque situation mérite une parole qui lui est adéquate. On ne dit pas à quelqu'un qui fait des grands péchés, et qui ne se repent pas, et qui ne parle pas de repentir, que même s'il continue, Allah est miséricordieux et pardonneur. Ça ne convient pas à la situation. On doit le faire craindre Allah Azzawajal et lui rappeler les châtiments qui découlent de ses péchés. Quant à celui qui cherche à se repentir et qui désespère de ses péchés, alors celui-là, on lui dit qu'Allah Azzawajal est pardonneur et miséricordieux. Le cheikh dit: ce verset concerne les repentants qui reviennent à leur Seigneur et se soumettent à lui. Allah Azzawajal dit: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَذْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Quiconque agit mal ou se fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et très miséricordieux. Donc celui qui veut demander pardon, on lui dit de demander pardon à Allah Azzawajal et qu'il est pardonneur et miséricordieux. Et tout pécheur se fait du tort à lui-même, il ne fait pas de tort à Allah Azzawajal. Le cheikh dit: hâtez-vous donc, qu'Allah vous fasse miséricorde, de consacrer vos vies au repentir sincère envers votre Seigneur, avant que la mort ne vous surprenne et que vous ne puissiez plus vous en délivrer. Ô Allah, accorde-nous le succès vers un repentir sincère, pour lequel tu effaces nos péchés passés, facilite-nous la voie vers ce qui est aisé, éloigne-nous de ce qui est difficile, et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans, dans l'au-delà comme dans la vie d'ici-bas, par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'Allah préserve et vante notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Alhamdulillah.